depuis toujours de faire le tour de la terre. Moi je l'emmènerais un jour voir ce grand mystère. Pour t'offrir ce dont tu rêves, je voudrais pouvoir chanter et puis t'emmener loin des grandes villes où je te crierai je t'aime sur un banc tranquille, bien. Toutes les fleurs